Parler de boxe locale, en fait. Depuis quelques jours, vous avez peut-être entendu parler, vous avez peut-être vu dans les aux promenades du boulevard de différentes publicités qu'il y a un nouveau club de boxe à Dolbeau, Mississippi. Question de savoir comment que ça se passe. On rejoint celui qui est en charge de ce nouveau club-là, Rocky Poulin. Bon après-midi, M. Poulin. Oui, salut. Ça va bien. Nouveau club de boxe à Dolbeau, Mississippi, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un club qui s'adresse à des jeunes, des plus à des adultes, des gens plus âgés, ou ça s'adresse à tout âge? OK, ben regarde, c'est un club de boxe, puis cardio boxe relève avant tout, puis après ça, boxe compétition. Okay. Puis c'est ouvert pour les âges de 10 à 70 ans. OK. Comment ça fonctionne maintenant? Les gens qui vont là, ils peuvent s'inscrire à différents groupes, différents clubs, différents cours. Comment ça fonctionne? Oui, c'est des cours de groupe, OK. C'est groupe 1, groupe 2, différentes heures. Il y a 2 heures différentes toutes les soirs. Il y a des jours spécifiques pour le cardio box, puis il y a des jours spécifiques pour la compétition. Puis comme je disais tantôt, c'est de 10 à 70 ans. Puis écoute, là, c'est un entraînement de cardio box intensif d'une heure et quart. Okay. C'est une heure de cardio box vraiment. Puis en fin de tout, on a 15 minutes d'abdominaux là, intensifs. Okay. Là. Quand vous dites une heure et quart, des 15 minutes d'intensif d'abdominaux, l'auteur, c'est quoi en fait? C'est du cardio box. On fait un entraînement de course, on fait du sac, on fait de la corde, du step, tout ce qui regroupe un entraînement qu'un boxeur fait normalement, mais on fait des exercices différents là-dedans. On a une petite section musculation, section tac, des tueries de sac, tueries de mollet, tueries de pôle, des affaires comme ça. Là. OK, OK. Vous, comment ça a commencé ce projet-là? Ben, ce projet-là, c'est parce que je travaillais au restaurant Météor, puis à un moment donné, j'ai eu vent comme de quoi qu'il y avait peut-être un local à louer en haut du Azur, là, les lunettes Azur, là, puis là, j'étais allé visiter le local, puis suite à ça, je me suis dit, Colin, là, avec mon expérience de boxe, puis ce que j'ai accompli, j'ai dit, ça me tenterait peut-être d'ouvrir quelque chose. Avant toute chose, j'ai regardé, voir si le marché, s'il y avait un envouement pour la boxe, puis je pense qu'il y a tout qu'un envouement ici de le beau Mississippi, là. Il y a du monde qui veut se mettre en forme, puis il y a vraiment il y a quelque chose qui manquait, puis je pense que c'est bien parti. Quand vous parlez de votre expérience, qu'est-ce que Rocky Poulin a accompli dans la boxe? Ben, jusqu'à date, j'ai été champion du Québec dans toutes les catégories. Ah ouais? J'ai 9 galas de boxe de montée à mon actif, qui a été un vif succès. Après ça, j'ai au-dessus de 20, au-dessus de quasiment 30 combos. J'ai le trois quarts de gagné. Écoute, c'est une expérience assez bonne expérience en boxe. OK, ça fait combien de temps que vous êtes à Dolbeau? Parce que me semble que Rocky Poulin, ça fait quand même... Ça fait 7 ans que Dan Radio Sport est ouvert. Rocky Poulin, ça ne m'a jamais fleuri l'esprit à part cette entrevue-là. Ça fait combien de temps que vous êtes à Dolbeau? Ça va faire 8 mois que je suis ici, là, depuis qu'on a commencé à regarder pour le projet. Okay. Là, pour ouvrir le club. Puis, écoute, là, c'est déjà là. J'ai déjà 15 inscriptions. J'ai déjà des boxeurs qui boxent en ce moment, qui sont actifs, qui viennent s'entraîner, puis en cardio boxe aussi. J'ai deux niveaux, j'ai deux groupes, groupe 1, groupe 2. Des heures différentes, mais qui suivent l'une et l'autre. C'est quand même c'est assez bien. Quand vous dites j'ai 30 combats de boxe, dans quelle catégorie? Amateur. J'ai boxé dans les 155 livres puis 175 livres. Ah oui, c'est champion du Québec, quoi? Oui, champion du Québec des gants bronze, médaille d'argent des gants d'argent. J'ai été médaillé d'argent des gants dorés, j'ai gagné la Coupe Adidas, la Coupe Brimden Cup à l'Ontario. J'en ai fait, j'ai du bagage de boxe, là. T'sais, avant de pouvoir donner des cours et pouvoir exercer, c'est comme la même affaire qu'un professeur de karaté, là. Pour un professeur de karaté, il faut que tu aies un bon bagage, il faut que tu aies aussi un cadre à t'identifier pour pouvoir donner des cours, il faut que tu aies de l'expérience. C'est la même chose à la boxe. OK. Puis vous avez organisé 8 galas. C'était où ces galas-là? Ah, j'ai fait des galas Jonquière, des galas Alma, Après ça, j'ai fait attendre directement à Chibougamau en conversation avec le club de Bosch là-bas. Après ça, ici, j'en prépare un là, pour soit la fin novembre ou début décembre. On est en train de regarder, on cherche la salle. Là. Il reste une salle à trouver. Un coup que la salle est faite, la salle est trouvée, on organise le galop box. Bon, on a des gros invités de marque qui vont descendre. Là. Ça, je peux pas en parler, je peux pas le dire. Là. Mais je suis affirmatif qu'il y a des grosses vedettes qui vont... Mais il y avait un galop box à Dolboom, c'est fini. Exactement, mon cher ami. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça. Ça fait bien, bien longtemps qu'on... Ben, tu vas en avoir pas rien qu'un. OK. Mais que, même que je fasse celle-là, il va en avoir un deuxième, puis un troisième. OK, hein. OK. Mais là, est-ce que vous êtes en pourparler avec... Parce que je sais qu'il y avait eu un club de boxe à Dolbeau récemment qui fonctionnait plus ou moins. On a tenté de relever ça l'an dernier. Est-ce que vous êtes associé ou vous êtes parti toute seule de votre côté? Non, je suis complètement tout seul. J'ai un comité administratif qui est moi, puis j'ai deux adjoints administratifs qui font partie du club. C'est moi le président, mais non, je n'ai pas d'associé. Là. On est vraiment là. C'est un salon. Il y a une quinzaine d'inscriptions jusqu'à maintenant. Est-ce que c'est des jeunes la plupart ou c'est des... De tous âges, de 10 à 70 ans. Si je te dis que l'année passée, j'ai eu un champion du Québec à 12 ans, puis j'en ai eu un autre à 56 ans, je pense que quelque part, je vise les tous âges. Le cardio-box, on rappelle ça le cardio-box relève. C'est en faisant du cardio-box relève qu'on détecte des fois des petits prospects qui, eux autres, ils veulent vraiment faire de la compétition, mais on les transfère en compétition dans ce cas-là. Sinon, ben, ils restent en cardio-box. Mais j'ai vraiment un bon cardio-box là, qui se dépense puis qui fait perdre du poids et qui garantit. Moi, je suis pire. Je me nomme le velcro des coachs parce que je suis pire qu'un velcro. Je suis tout le temps collé sur eux autres. Je suis tout le temps après eux autres en train de leur dire dépasse-toi, t'es capable. Puis en bout de ligne, c'est la satisfaction personnelle, tu sais. Eux autres, c'est ce qu'ils ont besoin des fois, quelqu'un qui n'est pas capable d'aller au bout de son potentiel. Quand un coach qui est après toi et qui dit que oui, t'es capable, ben, tu y vas encore plus loin. OK. Mais... J'en viens au Gallup Box. C'est une question qui me vient de me fleurir l'esprit en même temps que je vous écoutais. Qui va boxer ça? Qui va boxer ce gars-là? C'est bien beau, organiser un gars-là. Il va y avoir des boxeurs régionaux. Vraiment des boxeurs du Lac-Saint-Jean, Chicoutimi, Jonquière, Arvida, après ça, ici, le Dolbeau. C'est sûr que j'ai déjà des boxeurs qui sont actifs, là. Qui boxent pour le club, qui vont boxer. Je peux même, je peux pas affirmer ça là. Il faut même l'affirmer. Il y a même le directeur et le coach du club qui vont se battre. Les deux entraîneurs du club principal. Moi et Rocky qui va se battre, puis probablement aussi Dave Larouche, qui est un entraîneur qui fait partie de mon club, qui entraîne. Fait que on va participer à cet événement-là. OK, OK. Dites-moi, le UFC, vous connaissez ça un petit peu? Est-ce que vous avez une demande pour les arts martiaux mixtes? Non, j'ai aucune. Moi, je suis pas. Écoute, là, j'ai fait avant d'embarquer dans la boxe, là, j'ai fait 16 ans d'arts martiaux. Je fais de l'aïkido pendant 16 ans. Non, je veux pas mélanger les choses. Moi, pour moi, la boxe c'est un sport. Le UFC c'est un sport. Le karaté c'est un sport. Le kung fu c'est un sport. C'est complètement différent. Moi, je suis embarqué dans la boxe, puis la boxe, c'est pas partout du combat ultime que je veux faire. OK. Qu'est-ce qui vous a amené qu'est-ce qui a amené Rocky Poulin à Dolbeau, M. Cécile? Le travail. OK. OK. OK. Donc, c'est le travail. Puis suite au travail, c'est là que j'ai développé peut-être un désir d'ouvrir. Mais avant d'ouvrir, de dire, regarde, on va participer, on va partir à un club de boxe, on va ouvrir ça, on va regarder avant, voir s'il y a une demande. Puis il y a une demande. Il y a vraiment une demande. On le voit vraiment que il y a un engouement juste dans le monde qui vient de s'inscrire. Là, ils le voient vraiment. Puis moi, je suis équipé. Là. J'ai 16 sacs de boxe, j'ai un ring de boxe, j'ai 40 paires de gants, des miroirs, j'ai tout. C'était vraiment un club de cardio-boxe compétition. OK. On va surveiller ça de près. C'est une primeur qui a venu nous annoncer qu'il y aura un galop de boxe à Dolbeau Mistassini au mois de novembre. C'est une belle nouvelle, ça fait... Monsieur. Ben, comme je dis, c'est une primaire, oui, mais il reste à trouver la salle. Là. La salle, jusqu'à date, on essaye de négocier. Avez-vous regardé Centre Civique? Les endroits où on peut Parce que de mémoire, le dernier galop box qui a eu lieu à Boom Sassini, c'était au Centre Civique. Je me suis battu, c'est Annick Larivière qui l'a fait. T'sais. Annick Larivière, là, il t'a fait tout qu'une belle job côté boxe ici, puis dans l'entourage. Là. Annick, là, c'est tout qu'un entraîneur de boxe, là. T'sais, on peut pas, on n'enlèvera pas à Nick Larivière qui a fait, là, écoutez, là, c'était tout un bon entraîneur, ça, puis il a fait tout un beau gars-là. Je me suis battu à ce gars-là, là, qui est de la Réunion. Eh bien, on va surveiller ça. On va surveiller ça de très, très près. Monsieur Poulin, on va vous souhaiter la meilleure des chances, puis au plaisir de se reparler. T'sais, on dit pas que c'est meilleur, on dit que c'est différent. Ouais. Chaque chose est différente. T'sais. Chaque restaurant est différent. On dit pas que l'autre est meilleur que l'autre, mais c'est différent. Fait que mon entraînement est différent des autres. Faut savoir si il faut que le monde vienne voir. Ben, effectivement, on va surveiller ça de très bien. Voilà, donc c'était le promoteur du Gala de boxe qui va avoir lieu bientôt, Rocky Poulin.